Je vais me tailler les veines. J'ai trop de peine. Quand je te croise dans la rue, je suis le parfait inconnu. Dis-moi, mais t'as déjà oublié. Quand je rentre chez moi, je bois et je bois. Mais toi t'en as rien à faire. Je tombe dans mon lit, tu es sorti de mon esprit. Mais ce ne sont pas des affaires. Mais une fois réveillé, tes photos viennent de rassommer. Oh, trop de souffrance, c'est trop dur. Si on fait la balance, je paye bien trop cher mes errances, c'est sûr. Trop fait preuve de patience, jusqu'à quand ma pénitence. Et avec toute ton aisance, tu ris de mon existence d'au mur. Et c'est pour ça que si je ne m'en sors pas, alors je vais me tailler les veines. J'ai trop de peine. Je vais me tailler les veines. C'est toi ma seule reine. Oui, ma seule reine. Alors je vais me tailler les veines. J'ai trop de peine.